بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence ce soir, inshallah ta'ala, le 11e chapitre, le chapitre de l'exagération vis-à-vis du Coran. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, il y a à ce sujet le hadith des Khawarij vu précédemment. Ça, donc le hadith qu'on a vu précédemment, c'était dans le 6e chapitre, le chapitre 6, qui est à la page 11 de ce livret que vous avez entre vos mains. Le chapitre 6 à la page 11, c'est le chapitre durant lequel on a cité des hadiths liés aux Khawarij. Et parmi les caractéristiques des Khawarij, il y a le fait que ce sont des exagérateurs. Ils font partie des exagérateurs. Et donc, ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Et ça, c'est une grave erreur. Hein? C'est une grave erreur de dire que la Sunna, le fait de suivre la Sunna, après, ça entraîne au fait de suivre ou de devenir terroriste ou Khariji, de faire partie des Khawarij. Ça, c'est une ambiguïté diabolique. Hein? Lorsqu'on va voir un jeune qui commence à laisser pousser sa barbe, ils vont dire: ah, aujourd'hui il pousse sa barbe, demain il est avec Daesh. On a déjà entendu ça. Quelqu'un, un jeune qui commence à aller à la mosquée, ils disent: aujourd'hui il va à la mosquée, demain il est avec Al-Qaïda, etc., etc., etc. Mais subhanallah, quel mensonge sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les Khawarij, ce sont des exagérateurs. Ils ne sont pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la voie du prophète ne mène pas à l'exagération. Parce que lui-même nous a mis en garde contre l'exagération sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'a dit clairement, iyyakum wal ghulum, délaissez l'exagération. Halak al mutatarrifun, donc ceux qui exagèrent sont dans la perdition. Al mutanatti'un, du moins, halak al mutanatti'un, ceux qui exagèrent sont dans la perdition. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, et dans le recueil authentique, d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été informé que tu jeûnes tous les jours et que tu récites le Coran chaque nuit. Et donc ici, barakallahu fikoum, l'auteur il a marqué d'après Abdullah ibn Omar. C'est pas Abdullah ibn Omar, ce hadith, ou du moins c'est pas, je ne peux pas dire que c'est l'auteur, du moins ça, il se peut que c'est une erreur de ceux qui ont fait des copies du livre de l'auteur. Mais c'est pas Abdullah ibn Omar, c'est Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. Et donc, le hadith, d'après Abdullah ibn Amr, car à la gré, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été informé que tu jeûnes tous les jours et que tu récites le Coran chaque nuit. C'est-à-dire, chaque nuit tu finis le Coran. Le prophète qui dit ça, Abdullah ibn Amr. J'ai dit: en effet, ô messager d'Allah, et je ne voulais à travers cela que du bien. Masha'Allah, regardez ça. Regardez ça, au cher frère. Barakallahu fikou. Ici, premièrement, on a ce compagnon qui veut faire beaucoup d'efforts pour lire le livre d'Allah. Et nous, nous devons faire beaucoup d'efforts pour lire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car c'était ça la voie des compagnons, le fait de faire beaucoup d'efforts pour lire le livre d'Allah. Et derrière, il nous dit: je ne voulais faire que du bien. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous allez le constater, il le corrige et il montre que ce qu'il fait n'est pas forcément la bonne méthode à suivre. N'est pas la bonne méthode à suivre. Et donc le fait de vouloir faire le bien ne suffit pas. Il se peut que tu veuilles faire du bien, mais qu'en réalité tu ne fais pas de bien. Et donc en réalité, ce que tu dois faire, c'est suivre la sunna. Rappelez-vous un hadith, un hadith très connu, des gens qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à faire des actes qui n'étaient pas faits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des compagnons leur a reproché cela. Et ils lui ont dit, donc c'était Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il leur a reproché cela. Et ils lui ont dit, « Ma aradna illa khayra. » Ils lui ont dit, « Nous ne voulions faire que du bien. » Il leur a dit, radiallahu anhu, il leur a dit, « Kam min mouridi l'khayri lam yablughu. » Combien de personnes voulant faire le bien n'ont pas réussi à le faire. Ton intention, le fait que tu veuilles faire le bien ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il est impératif dans chaque acte d'adoration que tu fasses, il y ait l'intention qui est bonne, mais il y ait l'acte en lui-même qui soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je ne voulais faire à travers cela que du bien. Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique le jeûne de Daoud car il était le plus grand des hommes dans l'adoration. Et récite le Coran chaque mois. Pratique le jeûne de Daoud car il était le plus grand des hommes dans l'adoration. C'était quoi le jeûne de Daoud? Et donc ici le prophète il l'oriente. Ne jeûne pas tous les jours, mais jeûne un jour sur deux. Ne jeûne pas tous les jours, mais jeûne plutôt un jour sur deux. Et aussi, le prophète il l'a orienté en disant, et récite le Coran chaque mois. Ne récite pas le Coran entièrement tous les jours, mais récite-le entièrement chaque mois. Et c'est là qu'on voit la faiblesse qu'on a aujourd'hui. La faiblesse qu'on a, subhanallah, il en a. Il lui a dit, récite le Coran chaque mois. Qu'est-ce qu'il répond à Abdullah ibn Amr? J'ai dit, ô messager d'Allah, je peux faire mieux que cela. Il dit alors, récite-le tous les 10 jours. J'ai dit, ô prophète d'Allah, je peux faire mieux que cela. Il dit alors, récite-le tous les 7 jours et ne rajoute rien à cela. Tous les 7 jours. Pourquoi? Parce que plus que cela, il se peut que tu ne comprennes pas ce que tu lises. Tu vas lire vite, vite, vite, vite, vite, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. L'objectif est que tu comprennes. Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a orienté en lui disant, ne rajoute rien à cela. Et donc dans ce hadith, barakallahu fikoum, on voit les efforts qu'avaient les pieux prédécesseurs dans la lecture du Coran. Aujourd'hui, toi, tu t'affilies aux pieux prédécesseurs. Tu prétends suivre les pieux prédécesseurs. Tu prétends suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Had, regarde comment ces gens-là aimaient le Coran, aimaient lire le Coran. Alors fais comme tel. Fais comme ils le faisaient. Suis-les. Et le fait de suivre ces gens-là, cela ne se fait pas par les prétentions. Mais il faut avoir aussi la pratique. On sait, nous n'avons pas la force que eux ils ont, mais nous pouvons au moins faire des efforts. Mais rester là toute l'année, t'as pas lu le Coran? Allez, le Coran en un mois, on n'arrive pas à le finir. Là, il a voir. C'est énorme. Et aussi, il y a dans ce hadith le fait que ce qui est voulu par le Coran, ce n'est pas simplement la lecture, encore une fois, mais c'est aussi et surtout la compréhension. Et Muslim rapporte, d'après Ibn Mas'ud, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les exagérateurs sont dans la perdition. Les exagérateurs sont dans la perdition, subhanallah. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a blâmé l'exagération. Et donc, comme on a dit précédemment, l'exagération ne fait donc pas partie de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'exagération, c'est la voix des gens de l'innovation. C'est aussi la voix des polythéistes. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Qul ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dis aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Innamal Messih Isa ibn Maryam Rasulullah. Certes, le Messie Isa, fils de Maryam, est le messager d'Allah. Et donc, l'exagération est une énorme cause de l'égarement. L'exagération, puisque ici, les gens du livre, ils ont exagéré concernant Isa. Et c'est ça qui les a menés à leur perte. Aujourd'hui, des gens vont exagérer concernant les imams, concernant les prédicateurs, concernant les enseignants. Et c'est ça qui va leur mener à leur perte. Il ne nous est pas permis d'exagérer. Même dans la lecture du Coran, nous ne devons pas exagérer. La lecture de la parole d'Allah, nous ne devons pas exagérer. Alors, que dire des êtres humains? L'auteur qui continue et qui dit, et Ahmed rapporte que d'après Abdurrahman ibn Shibl, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez le Coran. Et donc réciter, c'est un ordre. Et donc c'est obligatoire. Nous devons lire le Coran. Récitez le Coran, n'exagérez pas le concernant. Encore une fois, on n'a pas le droit d'exagérer. Et subhanallah, concernant le Coran lui-même. Ne vous en éloignez pas et ne le prenez pas pour cause de subsistance ni d'augmentation des biens. Ne le prenez pas pour cause de subsistance ni d'augmentation des biens. On a déjà cité ce hadith précédemment. Et donc dans ce hadith, comme on a dit tout à l'heure, il y a donc l'ordre de réciter le Coran et le fait que ceci est une obligation. Il y a dans ce hadith le fait de mettre en garde contre certaines choses. Parmi ces choses, il y a l'exagération dans le Coran. L'exagération, donc aussi dans la récitation du Coran. Il y a aussi, donc parmi les interdictions, l'interdiction de délaisser le Coran. L'interdiction de délaisser le Coran. Donc on a l'interdiction des deux opposés. Subhanallah. L'interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit les deux opposés. L'exagération et la négligence. Et au milieu, on a le juste milieu. Et ça, c'est important. Les frères, barakallahu fikoum, ça ne concerne pas que le fait de lire le Coran, mais ça concerne tous les sujets de la religion. Dans tous les sujets de la religion, on va avoir des gens qui sont exagérateurs, on va avoir des gens qui sont négligents. Il faut absolument que nous soyons dans le juste milieu. Et tu vas trouver ceux qui sont exagérateurs, blâmer les autres, sous prétexte qu'ils ne les suivent pas. Et tu vas trouver ceux qui sont négligents, blâmer les autres. Celui qui fait ses prières à la mosquée, ils vont le blâmer. Celui qui laisse pousser sa barbe, ils vont le blâmer. La femme qui se couvre, ils vont la blâmer. Ils vont la blâmer. Lorsque je suis arrivé en Martinique, subhanallah, il y a un frère qui m'a dit, Abdelkarim, apparemment, il y a des gens qui ont dit que ta femme, elle est voilée entièrement, etc., etc. Et alors, comment ça, c'est quoi le problème si ma femme, elle est... Il est où le problème si ma femme, elle est voilée entièrement? Il est où le problème? Et donc, aujourd'hui, on va blâmer une femme parce qu'elle se voile entièrement? Mais ce blâme, on l'a pris d'où? On l'a pris du livre et de la sunna ou on l'a pris des non-musulmans qui blâment la femme qui est voilée entièrement? Et donc, barakallahu fikoum, il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. L'exagération, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le laxisme. Et qu'à chaque fois que tu vois quelqu'un qui pratique la sunna, tu vas le critiquer parce qu'il pratique la sunna. Ça, ce n'est pas que dans le Coran, c'est dans tous les sujets de notre religion. Je veux dire, ce n'est pas que dans la lecture du Coran, mais c'est dans tous les sujets de la religion. Nous devons faire attention à cela. Et encore une fois, il y a dans ce hadith le fait de ne pas prendre le Coran comme cause de subsistance. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, à la page 21, et d'après Abu Rafi', le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que je ne trouve aucun d'entre vous installé sur son canapé, qu'on lui rapporte un de mes commandements, de ce que j'ai ordonné ou interdit, puis qu'il dise, je ne sais pas. Ce que nous trouvons dans le livre d'Allah, nous le suivons, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Masha'Allah. Ce hadith, il est très connu, les frères. Très, très, très connu. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a dans ce hadith, il aborde le sujet d'un groupe qui s'appelle El Qur'aniyoun. En français, les Coranites, je pense. Les Coranites. Coranistes. Les Coranistes. Et donc, ces gens-là qui voient que, donc, il faut délaisser la sunna et se baser que sur le Coran. Et donc, ils pensent que, donc, le Coran suffit. Pourtant, le Coran montre le contraire. Le Coran nous montre que nous devons avoir les deux, le Coran et la Sunna. Et que celui qui ne prend pas la Sunna n'a pas pris le Coran. Il n'a pas pris le Coran, car le Coran appelle à suivre la Sunna. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins on va aborder ça après, inshallah ta'ala. Parmi les versets qui montrent cela, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce avec quoi le prophète vient à vous, alors prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. On va regarder le numéro du verset. Donc sourate Al-Hashr, le verset numéro 7. Donc la sourate 59, le verset 7. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Ça, ce passage-là, on a dans ce verset-là, ou cette parole-là, elle est citée à plusieurs passages du Coran. On a par exemple Surat Al-An'am ou d'autres. Dans An-Nisa. Donc Surat An-Nisa, le verset 59. Surat 4, verset 59. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun » Et nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux et afin qu'ils réfléchissent. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna explique le Coran. Tu ne peux donc pas te passer de l'explication si tu veux comprendre correctement le Coran. Surat al-Nahl, le verset 44. Donc, sourate 16, verset 44. Et d'autres versets encore. Et donc, et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre aussi un point qu'on a déjà abordé, c'est la mise en garde contre la paresse. Le prophète nous a cité la situation de cet homme au début du hadith. Cet homme qui est appuyé sur son canapé. Il est donc dans une situation où il ne fait pas l'effort d'apprendre. Mais il est là. Et lorsqu'on lui cite un hadith, on ne prend pas. Alors qu'à la base, il n'a pas fait l'effort d'apprendre. Et donc, au cher frère, barakallahu fikou, nous devons faire l'effort d'apprendre. Nous ne devons pas rester dans cette situation de satisfaction. Et déjà, pour commencer, nous devons commencer par la langue arabe, chercher à apprendre la langue arabe, le Coran, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Alors, on va arrêter là, inshallah ta'ala. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbuhu. وارضه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.